Chapitre 187. Le mérite de la salat. Allah Ta'ala dit: Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate 29, verset 45. 1042. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire à ses compagnons: imaginez que devant la porte de l'un d'entre vous coule une rivière dans laquelle il se lave 5 fois par jour. Pensez-vous qu'il restera de la saleté sur lui? Ils répondirent: il n'en restera absolument rien. Il dit alors: ceci est à l'image des 5 prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les péchés. Al-Bukhari et Muslim. 1043. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les 5 prières quotidiennes sont à l'image d'un fleuve large et profond qui coule devant la porte de l'un d'entre vous et dans lequel il se lave 5 fois par jour. Muslim. 1044. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un homme qui avait embrassé une femme vint en informer le prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala révéla alors ce verset: prie aux 2 extrémités du jour et aux 1 heures de la nuit. Les œuvres méritoires dissipent les péchés. Sourate 11, verset 114. Et l'homme de dire: ô messager d'Allah, ce verset me concerne-t-il? Il répondit, alayhi salatu wassalam, il concerne plutôt toute ma nation. Al-Bukhari et Muslim. 1045. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les 5 prières quotidiennes et la prière du vendredi à la suivante effacent les péchés commis entre elles, excepté les péchés majeurs. Muslim. 1046. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: nul musulman n'accomplit à l'heure de la prière prescrite ses ablutions comme il se doit, puis la prière avec recueillement et en s'appliquant dans ses inclinaisons, sans que cette prière ne lui efface les péchés commis avant elle, excepté les péchés majeurs, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Muslim. 1046.